Bouygues Télécom. Thibaut et Tiffaine, de Tours, parents d'ados ultra connectés, ont une connexion très lente qui n'arrête pas de planter. C'est pourquoi à la rentrée, ils souhaiteraient se doter de la fibre, mais pas à n'importe quel prix. Eh bien, Thibaut et Tiffaine, écoutez plutôt. En ce moment, chez Bouygues Télécom, rentrez sans compter avec notre série spéciale fibre, internet, téléphone et télévision pour seulement 14,99€ par mois pendant un an, puis 36,99€ par mois. Oui, la fibre à 14,99€. Appelez gratuitement Bouygues Télécom au 3106. Offre soumise à condition sous réserve d'éligibilité et de raccordement, engagement 12 mois. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, le tract de Villejuif. Un jour de 1976, apparaît un curieux document qui liste les additifs et colorants alimentaires et les classe en plusieurs catégories. Cancérigènes, suspects ou inoffensifs. Attribué à l'Institut Gustave Roussy de Villejuif, réputé pour être le plus grand centre anti-cancer de France, ce tract prétend protéger les consommateurs en les incitant à scruter les étiquettes des produits qu'ils achètent. Mais ce document est un faux, et aujourd'hui encore, certains continuent de le partager. L'histoire de ce tract, ce fake news, c'est l'histoire de l'alimentation industrielle, un élément majeur de notre vie qui nous échappe. Qui sait en effet ce que contiennent ces produits transformés que l'on consomme quotidiennement ? Ce tract, c'est l'histoire d'une société qui se transforme, des femmes qui s'émancipent et qui travaillent, l'émergence des supermarchés et des produits préparés, c'est enfin la cristallisation des peurs qui accompagnent ces changements profonds. Nous allons donc tenter de retracer le fil de cette rumeur, le contexte qui a permis son éclosion et surtout comment a-t-elle pu perdurer 45 ans. Notre invité aujourd'hui, Pascal Froissart, enseignant-chercheur en communication à l'Université Paris 8, auteur de La rumeur, histoire et fantasme, publié chez Belin. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Marjolaine Corr, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Je vous ai amené quelques produits. Alors déjà, je vous ai sorti une liste là, qui a été publiée par l'hôpital de Villejuif. Donc, des gens vraiment sur les produits cancérigènes et les produits dangereux. D'accord. Mais dangereux, des produits dangereux. C'est Villejuif qui le dit. Et le pire de tous, c'est le E330, sans rentrer dans les détails. Mais il est en rouge partout. Hein. Moi, je prends un produit aujourd'hui, voilà. Une salade. Nordique. D'accord. On met un petit logo français pour rassurer, parce qu'on se dit c'est produit en France. Ouais. Et derrière, je regarde, il y a du E330. C'est légal, hein ? Ouais. Mais je me dis, on marche sur la tête, on devient fou. 11 février 2018, France 5, émission C'est Politique. Le député MoDem Richard Ramos brandit un tract pour défendre le droit à une alimentation saine. Problème, son document est un faux. Oui, c'est une fake news, vieille de 45 ans, apparue mystérieusement en 1976, qui refait surface ce jour-là, disons. Plus précisément, qu'elle n'a jamais disparu. On l'appelle le tract de Villejuif, ville de banlieue collée au sud-est de Paris où se trouve le centre anti-cancer le plus réputé de France. Le tract proviendrait justement de cet hôpital. C'est en tout cas ce qui est écrit dessus. Mais répétons-le, tout est faux. L'hôpital n'a jamais écrit ni propagé la moindre information sur la dangerosité des additifs et colorants alimentaires. Alors, d'où vient ce papier alarmiste qu'on se passe de main en main ? Pour le comprendre, il faut remonter au début des années 60. Les femmes sont cantonnées au rôle de ménagères, de femmes au foyer. Elles se rendent au marché, chez l'épicier, le boucher, pour faire leurs courses. Pendant que les enfants étudient à l'école, elles s'occupent de leur intérieur, font mijoter de bons petits plats, on dit d'elles, sans profession, comme ça c'est clair. Mais la fin des années 60 casse ce carcan. La période est révolutionnaire. Révolutions agricoles, révolutions dans les foyers avec l'apparition d'appareils modernes qui facilitent le quotidien, comme le lave-linge. Puis la décennie se clôt par la révolte étudiante et l'émancipation des femmes. Ça bouge, il était temps. De plus en plus de femmes ont elles aussi une vie professionnelle et leur rythme de vie s'accélère. Cette nouvelle cadence impose de trouver d'autres solutions au sein du foyer, puisqu'elles disposent de moins de temps pour préparer le dîner, tâche qui leur incombe dans l'écrasante majorité des couples. C'est dans ce contexte que les habitudes de consommation sont bouleversées. Il faut faciliter la préparation des repas. Dans ces nouveaux supermarchés qui s'implantent, des rayons entiers proposent café lyophilisé, boissons sucrées, plats préparés. Tout cela nous paraît naturel aujourd'hui, mais ce confort est bien né d'une profonde transformation. L'élevage de la volaille s'industrialise, les purées sont réduites en poudre, les frites surgelées et les raviolis se vendent désormais en conserve. Ma petite fille, moi je vais vous le dire comment ils les aiment ces raviolis. D'abord, vous vous levez très tôt le matin. Hein? Pour préparer la pâte. Ensuite, vous prenez de la farine de blé dur. Panzani a plus de temps que toi pour préparer de bons petits plats. Et vous faites revenir la sauce. Compris, mon trésor? Ce sont les bonnes cuisinières qui choisissent les plats cuisinés, Panzani. C'est en fait de moment que t'as pris pour les raviolis, hein? Eh oui, repas du soir ou de midi, la bonne idée, c'est Panzani. Bien loin des légumes du maraîcher et du rôti du boucher, ces produits sont transformés dans des usines. Les industriels français s'approprient des technologies développées aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Dans la plus pure tradition du taylorisme, un simple légume entre sur une ligne de production où il est lavé, coupé, taillé, cuit et mis en boîte. On gélifie, on épaissit, on émulsionne, on ajoute des additifs pour conserver plus longtemps et des colorants pour rendre les produits plus attirants. Supermarché, plats préparés, bienvenue dans une nouvelle ère, celle de la consommation. Les années 70, c'est aussi l'ère de la construction européenne. Devant l'émergence de ces nouveaux modes de consommation, les 6 pays de la communauté économique européenne, la CEE, s'organisent pour harmoniser ce nouveau marché d'alimentation. À partir du 1er juin 1975, additifs et colorants alimentaires sont classés selon une norme européenne, E224, E450. Les consommateurs voient apparaître des sigles énigmatiques dans la liste des ingrédients de leurs aliments. Ces sigles cachent des additifs aux noms tout aussi barbares. Diphosphate, métabisulfite de potassium, les assiettes deviennent truffées de produits inconnus. C'est d'ailleurs en 1976 que sort le film « L'aile à cuisse », le film de Claude Zidi qui raconte l'histoire d'un critique gastronomique, Charles Duchemin, auteur des célèbres guides Duchemin, parodie des guides Michelin, évidemment, en guerre contre la nourriture industrielle, représentée dans le film par l'arrogant Jacques Tricatel. Du chemin ne viendra pas parce qu'il n'existe plus. Enfin, ce qu'il représente n'existe plus. Une cuisine compliquée pour des gens privilégiés qui sont encore plus compliqués. Moi, je nourris des millions de personnes. Et demain, je nourrirai peut-être la terre entière. Simplement. Naturellement. Cette comédie pose la question qui préoccupe la société de l'époque. Mangerions-nous ces plats préparés si nous savions comment ils sont préparés? Le constat du film est clair. Désormais, il y a la bonne bouffe et la mauvaise bouffe, qu'on appellera un peu plus tard la malbouffe. Pour aider les consommateurs à s'y retrouver, les revues scientifiques et de consommation multiplient les articles. Science et Vie publie en décembre 1975 un petit guide des additifs alimentaires. Dès l'introduction, l'article annonce la couleur E440BHA, ces sigles énigmatiques et microscopiques que vous lisez sur les étiquettes des aliments industrialisés, désignent des centaines de produits chimiques plus ou moins inoffensifs. Mascarade juridique que notre tableau vous permettra de déchiffrer. Science et Vie ne le sait pas encore, mais cet article sera le déclencheur de l'une des plus longues fake news de notre époque. Il décrit le climat de défiance dans lequel les consommateurs se trouvent, car on y parle de produits chimiques dont l'innocuité est loin d'être garantie, d'additifs ingurgités sans le savoir en quantité bien supérieure à ce que nous imaginons. L'illustration de l'article, très évocatrice, représente deux mains. L'une tient un flacon d'additifs alimentaires, l'autre y verse le contenu d'un autre flacon étiqueté « poison ». Pendant des années, on a utilisé certains colorants sans savoir qu'ils étaient cancérogènes. Ainsi, l'amarante a été interdite en URSS et a fait l'objet de mesures restrictives aux USA. Ce colorant rouge, toujours utilisé en France, est très employé en confiserie. La dose quotidienne admissible serait de 15 mg pour un enfant de 20 kg. Avec certains bonbons actuels, la dose est dépassée si cet enfant consomme seulement 50 g de ces bonbons par jour. Les risques sont réels. S'ensuivent plusieurs pages de colonnes et de lignes. Un immense tableau recense les 149 additifs codifiés par la C2E, commentés par des toxicologues. 29 produits sont désignés comme suspects ou dangereux. D'ailleurs, l'Europe est en train de faire le tri. Elle s'apprête à interdire 10 substances colorantes jugées dangereuses pour la santé, dont l'amarante. Et c'est là que les esprits s'échauffent. La communauté européenne annonce cette interdiction, mais choisit de les laisser sur le marché encore un an. Pourquoi un tel délai ? Protestent les associations de consommateurs. En avril 1976, c'est au tour du magazine L'UFC Que Choisir de publier son guide des colorants et additifs alimentaires. Avec cet article, l'Union fédérale des consommateurs lance une grande campagne de boycott qui rencontre un écho extraordinaire, à la fois dans le public et chez les professionnels. Les clients se promènent désormais en rayon, munis d'une petite liste fournie par Que Choisir pour mettre en pratique les consignes de boycott. 1976 et 1977 sont des années noires pour l'industrie agroalimentaire. Devant la levée de boucliers, la plupart des marques décident rapidement d'abandonner ces colorants mis en cause. C'est dans cette atmosphère qu'apparaît un beau jour de l'hiver 1976 le tract de Villejuif. Le problème, c'est qu'à la différence des listes établies par Que Choisir ou Science et Vie, celle-là a été rédigée sans la moindre rigueur scientifique ni journalistique. La première version semble s'inspirer du tableau de Science et Vie, à la différence que ce tableau-là est truffé d'erreurs, ce qui le rend totalement alarmiste. Guide des additifs alimentaires, d'après une enquête de Science et Vie, avec la conclusion des toxicologues. Freinez l'utilisation abusive de ces additifs en sélectionnant les produits que vous achetez. C'est le consommateur qui conditionne les options des fabricants. Pensez à la santé de vos enfants. Après cette courte présentation, on trouve une longue liste de tous les additifs alimentaires utilisés par les industriels, classés en trois catégories. Toxiques, suspects ou inoffensifs. En bas du tract, soulignez deux fois une exclamation. Qu'on se le dise. Sur cette première version, nulle trace de l'hôpital de Villejuif. Non, l'établissement apparaît dans une seconde version avec la mention « distribué à l'hôpital de Villejuif ». Mais la troisième se fait plus précise, « distribué par l'hôpital de Villejuif ». C'est la quatrième version qui attribue définitivement le tract à l'hôpital avec un nouveau titre « L'hôpital de Villejuif informe ». Et chaque nouvelle livraison se fait plus alarmante, accolant à la catégorie toxique l'inquiétante mention cancérigène, assortie d'une liste des marques à éviter. Schweppes, la Piquichante, la Vache qui rit, Banga. Un nouveau paragraphe, intitulé « À fuir », en lettres capitales s'il vous plaît, apparaît sur les tracts. Le problème, c'est que le produit désigné comme étant le plus dangereux est le E330. Or, il n'est autre, ce E330, que l'acide citrique naturel présent dans la plupart des fruits, le citron en premier lieu. Pour les industries alimentaires, le E330 est un régulateur d'acidité qui empêche le brunissement des denrées. Elles en font même l'usage qu'en fait un cuisinier qui verserait quelques gouttes de jus de citron sur ses pommes pour éviter qu'elles brunissent. Dans les rayons des supermarchés, presque tous les produits contiennent du E330. Difficile à éviter, ce qui accroît les peurs des consommateurs. Et le tract se répand comme une traînée de poudre. Il est distribué à la sortie des usines et des écoles, dans des boîtes aux lettres, sur les parkings de supermarchés. Le 14 juin 1976, en Bretagne, des membres d'une association de consommateurs de la ville de Fougères le distribuent à la sortie de deux magasins. Mais tout est faux, ou presque. On retrouve, du côté des produits inoffensifs, 5 des 10 colorants qui seront interdits quelques mois plus tard, et le E330 est encore noté comme étant la substance la plus dangereuse. La société Schweppes, encore une fois mentionnée dans le tract, voit rouge. Elle assigne l'association de consommateurs de Fougères en justice et obtient un franc de dommages et intérêts en appel. Les industriels crient au scandale et dénoncent, je les cite, le manque de sérieux de ces associations de consommateurs. Voilà, la machine est lancée. Science et Vie et Que Choisir ont beau multiplier les démentis, rien n'y fait. Tel un virus, plus rien n'arrêtera la propagation du tract de Villejuif. À l'hôpital de la ville, le document commence également à agacer. La direction décide de publier les premiers démentis. Quelques années plus tard, le professeur Maurice Tubiana, cancérologue et directeur de l'Institut Gustave Roussy, revient sur l'apparition du tract pour l'émission Aujourd'hui la vie sur Antenne 2. Il y a environ une dizaine d'années, un certain nombre de nos malades sont venus nous voir en nous disant, vous savez, nous respectons scrupuleusement les indications qui sont données dans le document que vous distribuez à vos malades. On leur a dit, quel document ? Et ils nous ont sorti à ce moment-là un tract qui nous a beaucoup surpris, car dans ce tract, on indiquait comme dangereux, comme cancérigène, toute une série de substances extrêmement banales et qui se trouvent couramment dans la nourriture quotidienne. Alors nous avons fait faire une enquête, pensant que c'était peut-être des chercheurs de l'Institut qui, de bonne foi, s'étaient trompés. Nous n'avons trouvé personne qui revendique la responsabilité de ce tract, et au contraire, tous les scientifiques, tous les chercheurs qui l'ont lu ont pouffé de rire, tellement c'était un tissu d'ânerie. Quand nous essayons d'attirer l'attention du public sur des dangers réels et sérieux, comme par exemple le tabac, il faut faire d'énormes campagnes pour que les gens commencent à prendre conscience du risque. Au contraire, quand un individu quelconque, illuminé par une espèce de vérité surnaturelle, vient dire n'importe quoi et affirmer de façon tout à fait gratuite que tel ou tel produit est dangereux, tout le monde le croit immédiatement sur parole. Rien n'est plus difficile que d'arrêter une rumeur. C'est vrai, et rien ne permet non plus d'en identifier les auteurs. L'hôpital croule sous les courriers de gens paniqués qui se sont promenés dans les rayons des supermarchés, liste à la main, incapables d'acheter le moindre aliment. Les bonbons, les boissons gazeuses, les conserves, ils ont le sentiment que tout peut les empoisonner. Alors l'hôpital décide de porter plainte. Une enquête est ouverte, mais qui a lancé la rumeur de Villejuif ? À l'été 76, les pouvoirs publics commençaient aussi à prendre l'affaire au sérieux. Un communiqué commun au ministère de la Santé, au ministère de l'Agriculture et au secrétariat d'État à la Consommation dément formellement les informations contenues dans cette liste. Et c'est au tour du ministère de la Santé de porter plainte contre X. Deuxième d'une longue série. Mais pour l'heure, aucune enquête ne permet de remonter à la source de la rumeur. Pour tenter de rassurer les consommateurs, à la rentrée, une annonce télévisée est même diffusée sur les écrans. Faut-il désormais s'abstenir de manger des citrons ? L'idée paraît absurde, n'est-ce pas ? Et pourtant, le doute serait permis à la lecture du tract intitulé « Guide des additifs alimentaires distribués à l'hôpital de Villejuif ». Alors, sachez-le, ce prétendu guide des additifs alimentaires se trompe et vous trompe, sur ce point comme sur bien d'autres. Ne vous laissez pas abuser et surtout ne colportez pas des informations dont vous ne pouvez pas vérifier l'exactitude et l'authenticité. Les industriels, à leur tour, déposent des plaintes au gré des versions des tracts qui citent les marques. L'ANIA, leur association professionnelle, demande une enquête au ministère de l'Intérieur. Mais pas plus que les autres, celle-ci n'apportera de réponse. Tout au mieux, certaines marques mises en cause parviennent-elles à faire condamner symboliquement les distributeurs de ces tracts. Mais la justice finit toujours par considérer que même s'il y a faute, ces militants de la malbouffe ont distribué le document de bonne foi sans intention de nuire. Le 1er octobre 1976, enfin la loi entre en vigueur. Les 10 colorants néfastes sont interdits. Les esprits commencent à s'apaiser, la rumeur recule, mais l'accalmie sera de courte durée. Poulet numéro 728 120, poulet de Vendée, élevé en plein air 89 jours et 90 nuits. Parmi 380 autres poulets, alimenté avec 75% de céréales. Le 3 décembre 1998, à l'abattoir de Saint-Fulgent, électrocuté, vidé, déplumé, lavé, conditionné, labellisé le poulet. Le 11 décembre 1998, je l'ai acheté 52 francs 55 chez le boucher chauve rue de la Bastille, Je l'ai mangé, chaud le midi, froid le soir, avec une bouteille de vin rouge. Je l'ai adoré, le poulet. Mon poulet, numéro 728 120. Je t'aime, je pense à toi. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Deux ans après l'apparition du tract, le magazine 50 millions de consommateurs titre « Ça recommence ». Les mêmes tracts, les mêmes communiqués des grandes marques, les mêmes démentis, les mêmes plaintes. Le tract de Villejuif fait de nouveau parler de lui, malgré les démentis publiés à tous les niveaux, revues, industriels, l'hôpital et même l'État dénoncent d'une seule et même voix les informations erronées véhiculées par le document. Et pourtant, certains tombent encore dans le panneau. Varmatin, comme beaucoup de journaux locaux, publie le tract. Et la conséquence ne se fait pas attendre. Un nombre incroyable de directrices et directeurs d'école propagent le message en glissant le papier dans le cartable des enfants. Même des médecins tombent dans le panneau et affichent l'avertissement dans leur salle d'attente. La renommée de l'Institut Gustave Roussy est si grande que les professionnels ne remettent pas en cause le document. Et ainsi, le tract traverse les frontières. On en retrouve des versions traduites en Italie, en Allemagne, en Espagne, en Belgique, à la Commission européenne, et même par-delà la Méditerranée, au Cameroun, au Maroc et au Moyen-Orient. Mais qui peut bien avoir relancé la machine? Et pourquoi? Ça intéresse beaucoup les téléspectateurs si, sur ce sujet du tract de Villejuif. Je saisis cette occasion, c'est très important. 30 secondes, hein. Ce tract est diffusé par on ne sait qui, à la sortie des hôpitaux, des usines, des entreprises, des écoles, par une organisation un peu terroriste. Le contenu de ce tract, qui se dit, soi-disant, être émis par l'hôpital de Villejuif dans un centre anticancéreux, est totalement faux. Le professeur Maté, qui est le plus grand expert cancérologue français, a déclaré que c'était l'œuvre d'un fou. Donc il faut vraiment que les consommatrices sur ce sujet soient tout à fait rassurées. Lorsqu'elles voient ce tract avec une liste d'additifs et de colorants énumérés comme toxiques, cancérigènes, dangereux, suspects, etc., elles le mettent au panier. C'est quelque chose de totalement mensonger. Une organisation un peu terroriste. Ce jour de novembre 1979, sur le plateau de FR3 Languedoc-Roussillon, le directeur du Centre d'information des industries agroalimentaires est totalement remonté. La rumeur court depuis 3 ans déjà. L'ANIA, l'Union des industries agroalimentaires, parle même d'un plan concerté. Mais aucune enquête n'aboutit. Le mystère sur la provenance de ce tract reste entier. Et rien ne semble pouvoir stopper la rumeur, régulièrement reprise dans la presse locale sans aucune vérification préalable. En 1982, le journal Libération titre « Colorant, l'éternel retour du tract de Villejuif ». La journaliste Sylvie Vincent-Don s'en amuse. Le tract de Villejuif continue de se répandre avec la persistance d'une rumeur et l'efficacité d'un germe microbien, écrit-elle. Elle ne croit pas si bien dire. En 1984, un médecin écrit un livre de vulgarisation sur le cancer. Il reproduit la liste des produits cancérigènes sans se renseigner lui non plus. Désormais adoubé par un ouvrage spécialiste, le tract a de beaux jours devant lui. Et pourtant, régulièrement, journaux et télé continuent à mettre en garde les consommateurs. Ce tract prétendument diffusé par l'hôpital de Villejuif depuis 9 ans a semé la panique parmi 7 millions de consommateurs en énumérant une liste de produits cancérigènes. En fait, il s'agit d'un faux, les spécialistes de Villejuif l'ont confirmé. Et pourtant à Rennes, 70% des personnes interrogées qui ont lu ce tract le croient mordicus. Certes, il n'est pas toujours facile de connaître les origines de ces rumeurs, mais il est toujours bon de les combattre par l'information. Le sociologue Jean-Noël Capferrer va chercher à comprendre l'origine et la persistance de cette rumeur. Son étude, financée par le SINPA, le Syndicat National des Producteurs d'Additifs, révèle des chiffres à peine croyables. En 1985, 33% des femmes âgées de 18 à 65 ans ont eu le tract au moins une fois en main. Et à peu près un tiers d'entre elles ont changé leur comportement d'achat vis-à-vis des marques faussement incriminées. Quand le sociologue se penche sur certaines professions, il constate que 39% des médecins généralistes et 49% des instituteurs ont lu ou entendu parler du tract. En très grande majorité, ils n'ont procédé à aucune vérification. C'est indéniable, le succès du tract de Villejuif est total. Mais comment expliquer sa longévité? Voici la recette d'une rumeur increvable en quatre points. Premièrement, faites en sorte que la nouvelle se répande dans les colonnes des journaux ou des lettres syndicales, mais aussi transmettez le tract de la main à la main des gens que vous connaissez de près ou de loin. Cette personne qui vous tend le papier ne peut pas être chargée de mauvaises intentions. Deuxièmement, apposez un sigle qui reflète l'expertise et rend l'information incontestable. Ici, celui de l'hôpital de Villejuif, parfois même accompagné du sceau du ministère de la Santé. Troisièmement, utilisez des mots simples pour décrypter des termes qui semblent complexes. Ici, les additifs sont reliés à un risque de cancer, à la santé des enfants. Quatrièmement, citez des marques de produits que l'on mange presque quotidiennement, surtout s'il s'agit de marques préférées des enfants. L'information devient surprenante, même scandaleuse, et si c'est surprenant, c'est normal qu'on nous l'ait caché. Tels des résistants, les consommateurs se passent la feuille sous le manteau pour lutter contre l'industrie, et la réussite, répétons-le, est totale sur le plan de la manipulation. Invité d'Antenne 2 en janvier 84, Jean-Noël Capferrère vient livrer son analyse dans l'émission dédiée aux ménagères l'après-midi, aujourd'hui la vie. Jean-Noël Capferrère, il y a quand même une information qu'il faut donner. Ça fait 8 ans, presque 8 ans, que ce tract circule. Donc il y a des gens qui prennent des paquets de tracts, qui les impriment, qui les fabriquent, qui vont dans la rue et qui les distribuent. Absolument. Est-ce qu'on sait aujourd'hui d'où viennent ces tracts? Il y a eu, comme disait Maurice Tubiana, des procès, etc. À un moment ou à un autre, on tombe sur les passeurs, on n'a jamais réussi à remonter à l'origine. Alors, première question, y a-t-il une origine? Il y a forcément une origine à un moment donné. Mais ce qui est fantastique dans ce tract, c'est qu'il est de temps en temps modifié d'une année à l'autre. Il disparaît pendant 6 mois et on le voit réapparaître en dose massive, par exemple, diffusion en 15 000 exemplaires dans une ville ou dans une autre, avec des légères modifications. Et par exemple, si une marque incriminée garde l'additif, qui est tout à fait inoffensif, mais ne l'appelle pas eux quelque chose, mais l'appelle sous son nom habituel, acide citrique par exemple, la marque disparaît. Ce qui indique que les personnes qui sont derrière ce tract, si vous voulez, sont très incompétentes parce que, suivant que vous appelez une même chose d'une façon A ou B, elles vont croire que la chose a disparu. Et nous pensons que, quelque part, il y a, soit par bénévolat, soit par cerveau, mais ça me paraît une hypothèse un peu audacieuse, quelque part un suivi de ce qui se fait au niveau du tract, de ce qui se dit, et ça ne m'étonnerait pas que, suite à cette émission, le tract, dans les mois qui viennent, évolue. 15 000 tracts apparaissent d'un coup. Mais qui est capable d'une telle organisation? Et dans quel but? Car il est une question à laquelle personne, à ce jour, n'a encore trouvé de réponse. À qui profite le crime? À cette question également, Capferrère a tenté de répondre. Il a d'abord étudié les marques incriminées. Toutes celles qui ont été citées sont de grandes sociétés françaises alimentaires. Le coup viendrait-il d'un groupe étranger pour déstabiliser le marché et la concurrence française? Ce n'est pas si évident, car les marques étrangères utilisent elles aussi des additifs dans leur composition. L'hypothèse est donc éliminée. Seconde hypothèse. Les auteurs voudraient-ils faire croire qu'il est possible de vendre n'importe quoi dans les rayons des supermarchés, que les contrôles sont inexistants? Serait-ce une volonté de discréditer les institutions, l'État, le ministère de la Santé, l'Académie de médecine? Mais rien ne vient non plus accréditer cette thèse. Au bout du compte, si le succès de ce tract résidait simplement dans la question qu'il soulève, les additifs et colorants alimentaires autorisés sont-ils inoffensifs? Le document traverse les années 90 avec juste assez de vigueur pour rejoindre la toile et devenir immortel grâce à Internet. En février 2011, 60 millions de consommateurs titrent à nouveau le retour du tract de Villejuif sur Internet. Aujourd'hui, si vous tapez « liste des additifs alimentaires » dans un moteur de recherche, une quantité de listes apparaît, certaines provenant de sources fiables comme l'ANSES, l'Agence de sécurité sanitaire ou bien Que choisir, d'autres de sites fantaisistes. Et voilà comment un député de l'actuelle majorité, Richard Rameau, s'est tombé dans le panneau en février 2018. Ancien chroniqueur gastronomique de France 3 Centre Val-de-Loire et fondateur d'un journal destiné à apprendre aux enfants les dangers d'un malbouffe, Richard Rameau, c'est un élu qui prend à bras-le-corps les sujets liés à l'agriculture et à l'alimentation. Et comme tant d'autres avant lui, il se fait avoir devant les caméras de l'émission C'est Politique sur France 5. Il vient avec une salade et des plats préparés achetés en grande surface. En brandissant le tract de Villejuif bien haut, il pointe l'additif le plus inoffensif, le E330, l'acide citrique, celui qu'on retrouve naturellement dans les agrumes. Sur le plateau, personne ne se rend compte de l'erreur du député. L'émission démentira l'information une semaine plus tard avec un mea culpa de l'intéressé. Un journaliste de France 5, Florian Goutteron, fait part sur Twitter de l'échange qu'il a eu avec Richard Ramos. Je viens d'avoir un échange très intéressant avec le député. Il m'a expliqué avoir demandé à ce qu'on lui imprime une liste d'additifs avant l'émission, et c'est la première qui est sortie. Si c'est la plus populaire, c'est que c'est la mieux faite. Eh non, bien sûr. Il m'a expliqué ne pas être scientifique et ne pas pouvoir être assisté par des scientifiques pour tous les dossiers, mais reconnaît qu'il aurait dû vérifier avant de colporter cette info dont il a eu connaissance quelques heures avant l'émission. Conclusion de l'entretien. Dans l'émission, je parlais d'éducation à la consommation, mais cela illustre le fait qu'il faudrait peut-être aussi une éducation à l'information scientifique. Il n'y a plus qu'à. Un député berné par une simple liste qui tire tout son crédit d'une seule et unique phrase, distribuée par l'hôpital de Villejuif. Depuis 1976, combien ont été trompés ? En 1985, Jean-Noël Capferrer estimait à 7 millions le nombre de personnes touchées par ces fake news. Aujourd'hui, d'autres peurs alimentaires sont apparues. L'aspartame cancérigène, le lait accusé de favoriser certaines maladies, des bonbons qui rendent hyperactifs, les perturbateurs endocriniens. Et pour chaque débat, on a droit à la traditionnelle bataille d'experts entre ceux qui revendiquent leur indépendance et ceux dont on découvre les conflits d'intérêts. Mais aussi, les années qui s'écoulent entre le moment où un produit est jugé nocif et celui où la loi en interdit son usage, ça aussi c'est un sérieux problème. Dans ces affaires où les enjeux se comptent en milliards d'euros, où la position des autorités sanitaires fluctue au fil des connaissances acquises, comment le consommateur peut-il trancher ? Lui qui doit déjà résoudre cette impossible équation de manger sainement sans disposer du temps nécessaire pour préparer lui-même ses plats, ça lui complique sérieusement la vie. 45 ans après l'apparition du tract de Villejuif, ses doutes légitimes persistent vis-à-vis de la nourriture industrielle. Peuvent-ils d'ailleurs être balayés d'un revers de la main par les industriels de l'agroalimentaire eux-mêmes alors que des scandales sanitaires ont bel et bien eu lieu dans nos assiettes au cours de ces 4 décennies? Le tract de Villejuif semble finalement avoir joué le rôle de marqueur d'une nouvelle ère, celle de la bouffe industrielle et de l'incertitude qui ne cesse de nous accompagner depuis au sujet de ces plats préparés dont la composition, répétons-le, et c'est bien le problème, nous échappe. Tribute that to you. I don't France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la rumeur de Villejuif avec notre invité Pascal Froissart. Bonjour. Bonjour. Enseignant-chercheur en communication à l'université Paris 8. Vous êtes auteur du livre La rumeur, histoire et fantasme chez Belin. Vous étiez venu nous voir il y a quelques mois ou années, plutôt mois, pour commenter la rumeur de cette jeune fille qui, dans le RERD, avait dit qu'elle s'était fait agresser, ce qui n'était pas vrai. Vous êtes un spécialiste de la rumeur, enfin de l'analyse de la rumeur. Ce qui saute aux yeux dans le cas de celle-ci, le cas de Villejuif, c'est au moins deux éléments en tant que fake news. D'abord, il ne passe pas par Internet. Pas encore. Maintenant. Et parce qu'il n'y a pas Internet. Maintenant, c'est fait. Mais c'est-à-dire, ça montre que si Internet a été une bulle grossissante pour les rumeurs, bah même sans Internet, la rumeur courait. On pouvait faire courir une rumeur. Exactement. Dans les deux cas, en fait, que ce soit aujourd'hui ou à l'époque, c'est le rôle des médias qui est important. Le rôle, il a été primordial. Dès le début, c'est un tract qui a été diffusé dans les médias, et pas seulement de la main à la main et de boîte en lettres en boîte aux lettres. Il a été diffusé dans les médias, alors pas toujours à l'insu des journalistes. Souvent, les journalistes voulaient démentir le tract en question, mais néanmoins, ils le reproduisaient pour pouvoir le démentir. Et ça pose un problème que j'ai appelé la diffus réfutation, c'est-à-dire qu'en voulant démentir, en voulant réfuter, eh bien, on diffuse. Et ça, c'est vraiment le principe même des rumeurs aujourd'hui dans notre monde médiatique, c'est-à-dire que dès qu'on veut éteindre une rumeur, il y a un très gros problème à utiliser les médias pour le faire. Alors, on pourrait faire la sourde oreille, mais le concurrent ne la fait pas. Lui, il est sur le terrain, il est sur le truc, il faut y être aussi. Et on pourrait être accusé de complot, de connivence, et de tout ce qu'on veut. Mais il y a d'autres manières. Faire la sourde oreille, pardon, mais si les médias osaient, alors je sais que c'est risqué, mais osaient faire la sourde oreille en disant, on ne sent pas ce truc-là, on n'en parle pas. Parce qu'on peut dire, on le sent pas, mais on en parle, ça lui fait de la pub. Donc on va dire, on n'en parle pas. C'est compliqué quand même, choix rédactionnel. C'est tout à fait compliqué. Ceci dit, on peut utiliser d'autres moyens. Souvent, on dit, en termes de communication de crise, qu'il faut utiliser le seul canal par lequel est passée l'information de crise. C'est-à-dire que là, il n'aurait pas fallu changer de canal. C'est-à-dire, vous avez parlé effectivement de beaucoup de la presse quotidienne régionale et la presse quotidienne locale. Ça aurait dû rester à ce niveau-là. Or, en fait, c'est devenu très rapidement une affaire nationale dont se sont saisis les députés, les ministres. Et donc, il y avait là un changement d'échelle qui, de manière finalement quasiment mathématique, l'effet boomerang a nourri la bête qu'on voulait tuer. Et aujourd'hui, dans le folklore Internet, on dit « don't feed the troll », ne nourrissez pas le troll. Ouais. C'est exactement dans cet univers-là qu'on se retrouve déjà à l'époque, c'est l'univers des médias. Internet n'est qu'un média, enfin un système médiatique comme un autre. Oui, sauf qu'il est alimenté par tout un chacun, ce qui est différent. Alors oui, mais avec d'autres problèmes. C'est-à-dire que tout un chacun peut alimenter Internet, mais tout un chacun ne peut pas avoir accès à la visibilité. C'est-à-dire, je peux avoir mon blog dans mon coin et faire ma petite sauce, mais pour que quelqu'un tombe sur ma petite sauce en question, il va falloir que j'en mette des efforts. Donc c'est la difficulté d'Internet, c'est plutôt la visibilité que l'écriture et la production. Ce que vous disiez tout à l'heure, entre faire la sourde oreille et démentir, mais ça nourrit justement la rumeur. J'imagine que vous êtes assez d'accord avec ce théorème non officiel en journalisme, et on dit une rumeur plus une démentie plus un démenti égale une info. Absolument. Alors ça, c'est aussi un très gros problème. C'est que quand on est journaliste et qu'on ne sait pas exactement vérifier rapidement le fond d'une rumeur, on peut néanmoins faire un article sur « Oh, il y a une rumeur qui circule sur tel ou tel réseau socio-numérique en ce moment, par exemple. » Et à ce moment-là, ça fait une information. Et ça pose un problème. C'est-à-dire que un journaliste de bonne foi peut également diffuser une rumeur simplement en attestant de la circulation d'une rumeur, en oubliant d'aller sur le fond et de dire « Mais de quoi parle-t-on ?» Là. Et dans votre présentation, ce qui est intéressant aussi, c'est justement de montrer que, bon, il y a le tract de Villejuif, ça c'est une affaire en soi, la diffusion d'un tract étrange, plus ou moins faux, mais il y a surtout le problème de l'alimentation industrielle, des aliments ultra transformés, des perturbateurs machin, etc. Et ça, il y a un vrai problème là-dessus. La question posée par le tract, en fait, ne pose pas de question, c'est aussi son problème, ce qu'il affirme. Mais la question est légitime. Absolument. De savoir ce qu'on mange, hein, comment c'est fait. Deuxième point qui saute aux yeux, la durée de vie de cette rumeur. Alors ça, c'est quelque chose. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, des fragments de cette rumeur sont repris. En 2018, là, par exemple. Ouais, comment une rumeur peut-elle tenir aussi longtemps? C'est pas tout à fait étonnant pour les gens qui étudient par exemple le folklore, voient. Désolé, je n'ai jamais étudié le folklore. Alors ben oui, en ethnologie, en anthropologie, on le fait beaucoup. On appelle ça de la littérature orale même, parce que c'est véritablement un genre en soi. Et c'est pas étonnant. On a. C'est la transmission orale, c'est ça? Oui, transmission. Alors orale, l'oralité, c'est aussi un média, c'est un support médiatique également. Donc c'est pas par hasard qu'on entend une histoire. Hein. Les légendes, elles sont racontées pas par n'importe qui. C'est pas petite sœur qui me raconte une légende, c'est ma grand-mère. Enfin, il y a tout une structure sociale qui permet la circulation des récits dans nos sociétés. Alors, les légendes contemporaines et les légendes urbaines, il y a aussi comme ça des structures sociales qui favorisent ou non la circulation de certains récits. On a déjà remarqué qu'il y avait au moins deux phénomènes qu'on voit pour les légendes comme pour les rumeurs, c'est la relocalisation permanente, c'est-à-dire on va dire toujours que l'histoire qu'on a entendue, tout d'un coup elle se relocalise, si elle est diffusée en France, on va imaginer qu'il y a quelque chose qui se passe en France, et elle va se retemporaliser ou se réactualiser, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir lieu il y a 100 ans, eh bien on va dire il y a quelques semaines, j'ai entendu que... Donc ces phénomènes-là qu'on a déjà identifiés donc, au début du siècle, du XXe siècle, on le voit là à l'œuvre. Ce sont des phénomènes qui sont qui agissant pour la rumeur. Une chose est tout à fait surprenante de mon point de vue, ou plutôt pas surprenante, mais ça me permet en tout cas de démontrer une chose. On pense toujours que la rumeur évolue en même temps qu'elle avance. Plus on la reproduit et plus elle change. Elle mute. Et bien là, on voit bien que c'est absolument pas le cas. C'est le même texte de 76 jusqu'à aujourd'hui qui est reproduit quasiment au mot et à la virgule près, alors que même des marques qui sont incluses dans ce tract là ont disparu, eh bien les marques perdurent. Alors ça fait penser à des choses comme on appelle ça aussi aujourd'hui dans le folklore internet, chez les geeks là, le copypasta ou le copy-colle, c'est-à-dire ces blocs de texte qu'on va copier-coller et mettre dans la discussion. Et là les trolls ils s'en donnent à cœur joie parce qu'ils vont essayer de faire réagir toute une communauté juste en faisant des copy-colles comme ça. On se retrouve dans 3 minutes, on continuera à parler de la rumeur et de la façon dont elle court, où elle s'arrête ou pas. Juste les éclairer jusqu'à ce que le soleil tombe, lassé de nous réchauffer. Et dans nos envies de plage, du VA et du VB, j'en vois quelques-uns qui nagent vers ce qu'on a déjà coulé. Mais s'il n'est pas qu'à des puces, c'est qu'elle a pas le bon collier. La beauté, tu sais, ça s'use, c'est comme ton premier baiser. Le monde a changé, il s'est déplacé, quelques vertèbres. Oh, était l'ostéo, caché dans son dos, attendant la fièvre. L'enfer, c'est pas les autres, c'est ceux qui te font rêver. Et qui vendent leurs culottes pour un peu de télé. Et toute ma grande famille a le cœur tout chamboulé. tant qu'il y a quelques partages et du vide à écouler. Ils iront sur la banquise, passer quelques mois d'été, photographier quelques plages pour un peu de monnaie. Le monde a changé, il s'est déplacé, quelques vertèbres. Julien Doré sur France Inter, la fièvre. Ça me fait penser au Covid-19, on va en parler tout à l'heure. Parce que là, évidemment, en plus de ce qu'on subit, y a des rumeurs autour qui nous angoissent ou nous rassurent de façon tout à fait légitime parfois. J'apprends avec vous, Pascal Froissart. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur en communication à l'Université Paris 8 et que vous êtes l'auteur de La Rumeur, Histoire et Fantasme, publié chez Belin. J'apprends des mots avec vous. Vous me parlez de Xerox-lore, de fax-lore. Expliquez-moi. Oui, dans la continuité de ce que vous disiez juste avant le disque. Exactement, dans l'étude de ces récits qui circulent comme ça, non pas seulement de bouche à oreille, mais de documents, de copie lore ou de repro folklore. Eh bien, il existe. Enfin, ce sont des termes qui ont été inventés par des chercheurs dans les années 70, à la même époque en fait, pour décrire tous ces documents qui circulaient de photocopie en photocopie avec une série de reproductions successives. Et donc il y a un chercheur qui a inventé Xerox Lore et un autre qui lui a emboîté le pas et qui a inventé le fax Lore. Ça circulait par les fax. Et encore aujourd'hui, quand vous passez dans certains bureaux de société, vous voyez sur les murs, affichés sur les murs, des dessins ou des semi-proverbes qui sont issus d'un fax ou issus d'une photocopie, qui sont simplement collés. Je pense par exemple à l'impossible, on l'a déjà fait, revenez pour... je l'ai oublié évidemment. Mais enfin, donc ces proverbes-là qui font partie de la culture populaire finissent par circuler non plus de manière orale, mais comme ça, de document en document. Vous parlez de culture populaire, justement. Dans le cas de La Rumeur de Villejuif, c'est pas les masses sont pas manipulées, c'est les masses qui manipulent les masses, finalement. Bon, ça passe par les médias, il faut que ça passe par les médias, après, à qui profite le crime, on verra. Mais les masses s'auto-manipulent. Alors, d'abord, les masses, honnêtement, en sociologie, on a du mal à savoir ce que c'est qu'une masse. Hein. Moi aussi, c'est pas très clair. Mais disons que, en plus, dans ce problème-là très particulier, on n'a toujours pas d'auteur. Il y a 1000 procès qui ont été faits, 1000 enquêtes qui ont été faites, donc on n'y arrivera pas aujourd'hui. En revanche, oui, il y a quelque chose de très étonnant, c'est que cela circule de manière chaotique, on a l'impression que ça circule de manière chaotique, et que ça continue malgré les démentis. Mais moi, je mettrais quand même deux bémols. Un, il y a des intérêts très lourds financiers derrière ça. Et l'un des moteurs des études scientifiques qui ont été faites, c'est le syndicat des additifs alimentaires. Et donc, ils ont financé des études de sociologues, voilà, pour voir d'où ça venait. Ça, c'est le premier point, c'est que on est en train de remuer des intérêts majeurs hein, dans dans l'alimentation, dans l'industrie alimentaire. Mais d'un autre côté, ça nous permet aussi de connaître des choses, et en particulier donc dans les études sociologiques que l'on a sur cette rumeur-là, on voit très clairement que la rumeur ne circule pas de manière chaotique dans la société. Elle a, par exemple, on a une étude avec des chiffres qui montrent que on parle de taux de pénétration. Le taux de pénétration de cette rumeur-là est plus important dans les foyers à plus de 3 personnes que dans les foyers à moins de 3 personnes. Pour la raison toute simple que dans les foyers de 3 personnes, c'est souvent qu'il y a des enfants et que donc il y a des gens qui sont concernés par l'alimentation, parce que tout d'un coup, on dirait que quand on est adulte, c'est pas important, mais visiblement, on dirait que quand il y a des enfants, c'est important. Alors je ne sais pas exactement l'expliquer, mais en tout cas, clairement, les rumeurs ne sont pas des choses qui nous tombent du ciel et comme un cataclysme ou une tornade. On va aller chercher l'info. En fait, on tombe pas par hasard sur l'info. Ça fonctionne par réseaux sociaux déjà sans Internet. Oui. Il y a déjà, nous ne sommes pas mis au contact de l'information par hasard. Et là, on a la preuve également que cette information-là, elle circule davantage dans les foyers avec des enfants. Et finalement, pour les sociétés incriminées, on l'a dit, l'enjeu est important pour ces industries agroalimentaires. L'essentiel, finalement, c'est de parvenir à anéantir la question de départ, alors qu'elle est légitime. Exactement. C'est ça le système de défense. Alors, on pourrait avoir un long discours sur ce qu'on appelle aujourd'hui le confusionnisme, c'est-à-dire des entreprises qui vont provoquer volontairement des débats un peu faux, mais je n'annonce rien et je n'avance rien, je n'ai vous aucune dites pas certitude. Que c'est le cas, non, je n'en sais rien. Mais c'est une hypothèse. C'est, pour les perturbateurs endocriniens, il y a un article dans Le Monde qui est paru au mois de juin et qui montrait que clairement il y avait des chercheurs qui avaient été payés pour faire des fausses études. Alors pas des fausses études, pour prêter leur nom, pour fabriquer des études qui sont biaisées, qui sont qui montrent que non pas la contre vérité, mais qui simplement introduisent du doute. Et là, on peut peut-être imaginer que c'est la même chose. Je n'en sais rien, mais c'est vrai que le fait que ce soit un débat légitime nous pousse à se poser la question. Quoi. Ce serait diabolique, dites-moi. Alors, on n'en sait rien. Ce serait, j'ai dit. On n'en sait rien. Ouais. Simplement, là, on voit que la rumeur est aussi quelque chose qui peut éventuellement servir une stratégie de communication plus large, un plan de com, de lobby, de la com, pas très propre, mais c'est voilà. Ce qui est intéressant néanmoins dans cette affaire d'additifs alimentaires, c'est plus le fait que ça nous met aujourd'hui comme hier devant les mêmes choix à faire, c'est-à-dire là on a de l'information, elle nous arrive, on sait pas trop comment, il faut faire un choix raisonné, il faut savoir si c'est vrai ou faux, et là on doit faire référence à des experts. La science, ce sont des bons experts quand même. Alors là, oui, mais ça pose la question du Covid-19. Je vous bouscule un peu, il reste une minute. Ce maudit virus, c'est une machine naturelle à fake news. Alors, et à intoxication cérébrale. Fake news, et c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire, il n'y a pas que du faux qui circule. Il y a beaucoup de vrai. Et il y a tellement de vrai que c'est dans le vrai que c'est finalement difficile de savoir faire le tri. Et on se polarise sur le faux en se disant, c'est quand même dingue que le faux circule. Mais non, mais le problème, c'est pas ça. C'est dans l'ensemble des informations fausses et vraies qui circulent, quelles sont celles qui sont pertinentes? Et il y en a beaucoup plus de vraies. Quelles sont les informations pertinentes dans le vrai? On l'a vu pour l'affaire des masques. Au début, c'était un non-problème. On disait, il n'y a pas de problème avec le masque. Et ben, en fait, si, on se rend compte que c'est, en tout cas pour le moment, le seul moyen de lutte contre cette sale bête. Donc là, on voit que, il y a ce fameux concept d'infodémie qui est intéressant parce qu'il englobe le faux et le vrai. Et il montre que, finalement, dans une crise, on a une infodémie, une résurgence, une espèce d'explosion de faux et de vrai. Et il faut faire le tri dans tout ça. Et il faut surtout ne pas oublier, c'est le propre et l'honneur de la science, le retour d'expérience, c'est-à-dire que les vérités d'hier sont pas forcément celles d'aujourd'hui. Et ça, il faut que les gens acceptent ce principe qui est inconfortable, anxiogène, mais il est respectable, car il est scientifique. C'est fini, hélas, merci infiniment, Pascal Froissart. Merci, au revoir. Je vous en prie, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la rumeur de Villejuif, une émission que vous pouvez réécouter en podcast. Rendez-vous sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. À la technique aujourd'hui, il y avait Elisabeth Collet. Retrouvez Affaires Sensibles, la pièce de théâtre adaptée de l'émission au Tristan Bernard à Paris à partir du 22 septembre.